Chapitre 18. Du nœud et du dénouement dans la tragédie. Éviter les épisodes convenables à l'épopée. Le rôle du cœur. Dans toute tragédie, il y a un nœud et un dénouement. Les obstacles antérieurs à l'action, et souvent une partie de ce qui se rencontre dans l'action, forment le nœud. Le reste est le dénouement. J'appelle nœud tout ce qui est depuis le commencement de la pièce jusqu'au point précis où la catastrophe commence. Et dénouement, tout ce qui est depuis le commencement de la catastrophe jusqu'à la fin. Ainsi, dans le Lyncée de Théodecte, le nœud est tout ce qui a été fait avant et jusqu'à la prise du jeune homme, inclusivement. Et le dénouement est depuis l'accusation de meurtre jusqu'à la fin. Nous avons dit ci-dessus qu'il y a quatre caractères de tragédie. L'implex, qui a reconnaissance et péripétie. La tragédie pathétique, comme les Ajax et les Ixion. La morale, comme les Phtiotide et Pélée. Enfin la quatrième, qui est simple et unie, comme les Phorcides et Prométhée, et tout ce qui se fait aux enfers. Le poète doit tâcher de réussir dans ces quatre espèces, ou du moins dans le plus d'espèces qu'il lui sera possible, et dans les plus importantes. Cela est nécessaire, aujourd'hui surtout que le public est devenu difficile. Comme on a vu des poètes qui excellaient chacun dans quelqu'un de ces genres, on voudrait aujourd'hui que chaque poète eût lui seul ce qu'ont eu tous les autres ensemble. On ne doit pas dire d'une pièce qu'elle est ou n'est pas la même qu'une autre pièce, quand le sujet est le même, mais quand c'est le même nœud et le même dénouement. La plupart des poètes forment bien le nœud et le dénouement. Cependant, il faut réussir également dans l'un et dans l'autre. Il faut bien se souvenir, comme on l'a dit souvent, de ne point faire d'une tragédie une composition épique. J'appelle composition épique celle dont les épisodes peuvent former autant d'actions, comme si quelqu'un s'avisait de faire de tout l'Iliade une seule pièce. Dans l'épopée, l'étendue du poème permet de longs épisodes. Dans les drames, il ne réussirait pas de même. Aussi, ceux qui ont voulu représenter la ruine de Troie en entier, et non quelqu'une de ses parties, comme Euripide a fait dans sa Niobé et dans sa Médée, ou comme Échille, ont-ils vu tomber leurs pièces et manquer le prix. C'est cela seul qui a fait tort à Agathon. Dans les pièces où il y a péripétie seulement, et dans les simples, les poètes font quelquefois leur dénouement par une sorte de merveilleux qui est tout à la fois tragique et intéressant. C'est un homme rusé, mais méchant, qui est trompé comme Sisyphe. C'est un homme brave, mais injuste, qui est vaincu. Cela est vraisemblable. Comme dit Agathon, il est vraisemblable qu'il arrive des choses qui ne sont pas vraisemblables. Il faut encore que le cœur soit employé pour un acteur, et qu'il soit parti du tout, non comme chez Euripide, mais comme chez Sophocle. Dans les autres poètes, le cœur n'appartient pas plus à l'action qu'à toute autre tragédie. Ce sont des morceaux étrangers à la pièce. C'est Agathon qui a donné ce mauvais exemple. Car quelle différence y a-t-il de chanter des paroles étrangères à une pièce ou d'insérer dans cette pièce des morceaux ou même des actes entiers d'une autre pièce ?